J'ai traîné dans la rue avant de faire du peurage. J'ai toutes les compétences pour être un ici durable. Le mic, le bras du frère pour surpasser ta du mat. Je te mens pas ma petite gueule, ça pète à 6h du mat. 6h du mat, ça pète à 6h du mat. M'a de traîner dans le bad, d'avoir les chemises au pas. On veut voir la playa, t'sais, on est plein gars. Plein toi, on s'en bat les couilles, on brûle comme un feu de bingas. Tu trahis du bouca, tu finiras plein de balles. 9 fois sous le tempo, ça se courra comme tempa. Parle pas avec moi, t'sais, on se connaît pas. J'ai squatté le terrain avant de finir au car plat. J'ai eu quelques vrais amis qui m'envoyaient des mandats. Et si je perce un jour les gars, m'en voulez pas. M'en voulez pas les frères, m'en voulez pas. Si j'évite les putes, traîne qu'avec des vrais gars. M'en voulez pas les frères, m'en voulez pas. Si je fais danser la tête, c'est que vous n'y arrivez pas. La rue Sarah Norvalo, y'a qu'à finir à Villevra. Représente les villes rares, qui vivent à Verrara. Des terres comme Ferreira, gâteau fou le dégât. On veut la Ferrari, allez bref, fais-moi rire. Je rappe pour toute la France et les pays d'à côté. Si tu me vois bouteille au bord de plage, c'est que ça a payé. Si tu me vois bouteille au bord de plage, c'est que ça a payé. Ça a payé, ça a payé, ça a payé. Je représente toujours les vrais gars. Que tu viennes d'ici ou de là-bas, Roya. Et relance la musique. On va rouler toute la night. Les boycottés, c'est magique. On fait des sons de malade. Donc viens pas tester l'équipe. Lâche le mic, ma gueule, tu t'affiches. J'aime quand l'ambiance est électrique. Viens pas me check, fais-moi la bise. Bébé, joue pas la jalousie. Je détends mes nerfs avec la weed. J'ai trop fini abasourdi. Quand les Schmitts m'ont levé du lit. C'est pour les gueule, prends ça, que tu viennes ici ou de là-bas, c'est pour...